Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter. فأحببنا لهذا اليوم أن نقرأ عليكم شيئا من كلام العلامة الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في هذه المسألة, مسألة الابتلاء والصبر. الصبر عند البلاء. أيها المسلم أخي الكريم, ça te montre أن les épreuves, c'est pas un signe que Allah subhanahu wa ta'ala il aime pas la personne. أبدا. بل المسلم il est محبوب عند الله et Allah subhanahu wa ta'ala il l'éprouve. Un cours donné par le frère Mounir Al-Maghribi حفظه الله تعالى au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Al-Salafiyya de Dammaj au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنه عز وجل سيبتلي عباده ولا بد ولنبلونكم سافين دو البلاء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الله سبحانه وتعالى إلى ستة des exemples d'épreuves. Al-Khawf, bisabab adou. Wal-Jou', aïe la faim. Wa-Naqsun min al-Amwal, aïe une chose que la personne il aime. Al-Amwal. Par-Obama, la personne il est éprouvée. Hatta il goûte à la pauvreté. Wa-Thamarat, kadalik. Ça c'est une chose que les personnes ils aiment. Al-Amwal wa-Thamarat. كذلك والأنفس ربما la perte d'un proche. Après tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala قال وبشر الصابرين. أي في الحقيقة c'est une بشرة. C'est un خير. كما سيأتي معنا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت personne n'échappera à la mort أبدا. Ça c'est la destination de chaque être humain, بل chaque créature. وقال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير. أي avant de mourir في هذه الدنيا la personne il sera éprouvé بالشر والخير. الخير ça peut être une fitna, les enfants, l'argent. كذلك الشر c'est une fitna. وإلينا ترجعون. Et sache أخي الكريم أن ton retour il sera إلى الله سبحانه وتعالى et il te jugera. Est-ce que tu as patienté face à ces fitnes, face à ces épreuves أم لا. فأحببنا لهذا اليوم أن نقرأ عليكم شيئا من كلام العلامة الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في هذه المسألة، مسألة الابتلاء والصبر، الصبر عند البلاء. فابن القيم تعلمون أنه له قوة عجيبة في البيان واللغة والمعتقد الصحيح، فسو كلام إلى طيب إلى جميل، فإن شاء الله لير certains passages de ses livres sur cette مسألة، la patience face aux épreuves. والنبي صلى الله عليه وسلم il nous a informé كذلك que le musulman il sera éprouvé ولا بد. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال من يريد الله به خيرا يصب منه. هذا حديث عظيم. من يريد الله به خيرا يصب منه، أي celui à qui الله سبحانه وتعالى celui à qui الله سبحانه وتعالى il veut du bien فيصب منه، أي اللي بخبغة. أيها المسلم أخي الكريم، ça te montre أن les épreuves c'est pas un signe que Allah subhanahu wa ta'ala il aime pas la personne. أبدا. بل المسلم اللي محبوب عند الله إي الله سبحانه وتعالى اللي بخبغة. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في صحيح البخاري عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Ça te montre هذا الفضل qui est cité dans le hadith précédent. أن هذا الابتلاء هذا البلاء toutes ces épreuves que tu subis أيها المسلم في الحقيقة الله سبحانه وتعالى il te pardonne tes péchés. كم من ذنوب تخطئون بالليل والنهار قال عز وجل في الحديث القدسي. فبوكو تسي ذنوب العبد لين غفلة il oublie il fait pas de توبة. الله سبحانه وتعالى il lui veut du bien il l'éprouve حتى il lui efface ses péchés. كذلك on va voir dans un autre hadith il l'élève en degré. قال عيسى والسلام إلا كفر الله بها من خطايا. Et il a cité ses épreuves. Rubbama, c'est une tristesse. Une personne l'a perdu, un parent, un proche. Ada, Rubbama, on lui fait du mal avec injustice. Mais le haqq. Tout ça, c'est min Allah Azza wa Jal. Si tu patientes, comme a dit Azza wa Jal, fabashir al-sabiri. Si tu patientes, c'est une bouchra. Abadan, ça va te descendre en degré. Ou abadan, c'est une preuve qu'Allah ne t'aime pas. Là. Là. Si tu étudies, c'est Adilla qu'on lit l'an, tu verras au contraire. Annaka te fi khayr. Mama hasal. Tant que tu es à l'iman, ou à taqwa, et tu patientes. وفي صحيح مسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الزرع. هذا سان اكزامبل طيب جميل، سان اكزامبل نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم يبدا دوني ان اكزامبل دو مؤمن اي دو كافر بور رابور اوز ايبروف. قال مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ليكزامبل كي دون لو بروفيت عليه الصلاه والسلام الان المؤمن سي كوم ان اربو اي لو فو il va faire pencher cet arbre à droite, à gauche, Obama devant, derrière. Cet arbre, il perdra des feuilles, il perdra certains de ses fruits. Hakad al-mu'min. Le vent, c'est l'épreuve. L'arbre, c'est le mu'min. À la chaque année, al-mu'min, il se fera bouger vers cette dunya. Et comme l'arbre, il perd des feuilles, al-mu'min, il perdra certaines choses. Obama des enfants, Obama des parents, Obama des biens. لكن قال عليه الصلاة والسلام on finit l'exemple قال ومثل المنافق الآن إذا الإكزامب دو منافق قال كمثل شجرة الأرز سين كاتيغوري دارب قال لا تهتز حتى تستحصد إلى هذا الإكزامب دو منافق كذلك سأل نغب لأن المنافق إذا أبغت الإسلام فلي دو سي دو زغب الآن مؤمن سان كرويون منافق في أبغت الإسلام سأل نغب كذلك لكن ستغب لا هذه شجرة لا تهتز cet arbre ne bouge pas, il est stable contrairement au mu'min qui bouge des épreuves Robama il a peur, Robama il a faim, Robama il souffre هذا المنافق il ne bouge pas son arbre أبدا قال عيسى حتى تستحصد أي حتى cet arbre du jour au lendemain il est coupé d'un coup il n'y a plus d'arbre هكذا المنافق du jour au lendemain il meurt il perd tout. Amma le mu'min, il souffre via cette dunya, amma son arbre, idnillah, il reste. Il y en a sept arbres, c'est l'iman. C'est l'iman du mu'min. Si il patiente, le fait qu'il est un peu secoué à droite, à gauche, qu'il perd des feuilles ou des fruits, les feuilles, ça repousse. Les fruits, ça repousse. Amma le munafiq, il perd tout. هذا سان اكزامبل عظيم اخي الكريم اصبر عند البلاء patient face aux épreuves الله سبحانه وتعالى il a voulu ton bien من يريد الله به خيرا يصب منه الله سبحانه وتعالى il veut t'élever en degré الله سبحانه وتعالى il veut te pardonner des fautes المؤمن face aux épreuves il doit avoir حسن الظن بالله حسن الظن tu dois avoir une bonne opinion tu dois espérer amma un mal il touche le mu'min et il désespère ou il perd patience il perd son sang froid هذا لا الله سبحانه وتعالى قال فبشر الصابرين الصبر وقال صلى الله عليه وسلم كذلك اذا سبقت للعبد منزلة فلم يبلغها بعمل ربما الله سبحانه وتعالى ربما الله عز وجل إلى قدر إن بيرسون أن رون في الجنة بحكمته وقدرته سبحانه وتعالى إلى قدر أن فلان من المسلمين إلى غتل بلاس في الجنة لكن سو مسلم ربما إلى مقصر في العمل في العمل ربما يفعل pas certaines obligations ربما يفعل certains péchés فالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله في جسده وماله وولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل الله سبحانه وتعالى va l'éprouver dans ses biens dans son nefs dans ses enfants حتى il l'élève et il atteint cette place que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a décrété en haqiqa c'est un khayr pour toi ces épreuves que tu subis en haqiqa c'est un khayr كثير من الناس ils conçoivent pas cette chose comment il souffre il a faim ربما il meurt et c'est un bien celui qui pense comme ça c'est son ignorance il connaît pas ces textes comme on va voir certaines paroles de l'imam ابن القيم عليه رحمة الله. On va citer quelques فوائد. Et ils vont nous détailler ces hadiths, ces versets qu'on a lus. Comme on a dit من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. الفائدة الأولى, la première فائدة, في الابتلاء. قال الإمام الرباني ابن قيم الجوزية رحمه الله قال ابتلاء المؤمن كالدواء فأمل الآن سيف خازي سوب خسيش جدا سان إمام ذا السنة يكون أدلة الكتاب يكون أدلة السنة الآن سكون باليغ سي الفروي كلا رتيري دو سي تكست فإن شاء الله نبخفيت في هذه الأيام On a été éprouvé par Ha'oula, Al-Khubata, Al-Dhullal, Al-Zanadiqa. C'est une épreuve, min Allah Azza wa Jal. Anta, en tant que mu'min, en tant que talib al-ilm, tu dois retirer des fruits de cette épreuve. Cette épreuve, c'est bi qadarillah, c'est Allah qui l'a voulu. elle est arrivée. La personne, il le veut ou non, elle est arrivée. Et si Allah il a qadar qu'elle réarrivera, elle réarrivera. En tant que mu'min, tu dois profiter de cette épreuve. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé? C'est des kuffars, c'est des zanadiq, al-rawadid. En tant que mu'min, tu es un talib al-ilm. Allah t'a éprouvé les hikmah. Parmi ces hikmah, Ibn al-Qayyim rahimahullah il te montre ibtila al-mu'min kaddawa. Cette épreuve, c'est comme un remède pour toi. C'est comme un médicament. Tu es malade avec le ma'asi. Probablement tu es malade avec certains doutes. Probablement tu es malade, tu as fait des péchés. À l'époque, tu n'as pas fait tawba. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a décrété cette épreuve, c'est un dawa. Comme une personne qui est malade, il a la grippe, il a mal à la tête, il a une maladie quelconque, il a besoin d'un ilaj. Il va voir le docteur. Le ilaj, le médicament des épreuves, ou le médicament plutôt des péchés, c'est al-ibtila. Allah était pro. Haqiqa, c'est un khayr. Qal ibn Qayyim rahimahullah, kad dawa ilahu yastakhrij minhu al-adwa. Aïe, les maladies. قال التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته يستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء أي الشرور ces maladies, ces péchés. L'épreuve elle te fait ressortir, elle te nettoie. قال عليه رحمة الله ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة. تأمل. Qayyim rahimahullah, l'un il te montre anna cette maladie, si elle resterait en toi, rubbama tuhlikuk, rubbama elle t'emmène à ta perte. Peut-être la jalousie, peut-être la fierté, peut-être l'orgueil, peut-être l'ostentation, peut-être un péché que tu n'arrives pas à faire tawba. Avec cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te nettoyer. Et incha'Allah, comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah, tu vas augmenter tes hasanat et tu vas t'élever en degré, indallah. Avec cette épreuve. Rubbama il n'y aurait pas cette épreuve, la personne il va à sa perte. Dans la haqiqa, on conclut de cette première faïda, anna al-ibtila c'est une rahma. Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve, en fait, c'est une rahma pour toi. Lakin akthar an-nas la ya'lamoun. Qal ibn Qayyim rahimahullah, wa ma'loum anna wujud hadha khayr lil mu'min min 'adamih. Ça c'est la conclusion d'un savant de la sunna. Al-an, si on te demande est-ce que c'est mieux d'être éprouvé ou de ne pas être éprouvé, en fait, si tu as compris hadha, c'est mieux. Rubbama j'ai des péchés, rubbama j'ai des choses, Allah il me nettoie, yawm al-qiyama la personne il vient, incha'Allah il est à la khayr. Qala wa ma'lum anna wujud hadha khayr lil mu'min min 'adamih kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi bi yadihi la yaqdi Allah lil mu'min qada'an illa kana khayran lahu wa fi al-hadith al-akhar in amr al-mu'min kulluhu lahu khayr. Sahih. Tout ce que Allah décrète pour le mu'min, c'est du khayr. Si te donne du bien, du risque, des enfants, de l'argent, était à la sunna, à la tawhid, ça c'est un bien. Si il t'éprouve avec un manque d'argent, avec la pauvreté, avec des souffrances, des pertes, enfin, si tu patientes, c'est un bien. Dans les deux cas. Lakin, labud min mulazamat al-taqwa. Labud, la personne, il s'accroche au Coran et à la sunna et il patiente. Enfin, le mu'min, tout ce qu'il fait, il est à la khayr. Il glisse, il fait un péché. Maintenant, une mauvaise parole ou un mauvais soupçon envers un frère, il fait tawba, incha'Allah, Allah lui efface. Il fait une hasana, Allah lui multiplie par 10. Il est à la khayr. Qala, rahimahullah. C'est que pour le mu'min. Le cas du kafir et du munafiq, ça y est. قال إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. Si il patiente, c'est un bien pour lui. S'il est touché par une épreuve, il patiente, c'est un bien pour lui. S'il est touché par un bien et il remercie les reconnaissants, fa inshaAllah c'est un bien kadhalik. Fa al-mu'min il est à la khayr, à la kulli hal. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, fa hadha al-ibtila wa al-imtihan. Aïe, ces épreuves que tu subis, akhi. Qala min tamam nasrih, wa izzih, wa afiyatih, wa lihada kana ashadda al-nas bala'an al-anbiya, thumma al-aqrab ilayhim fa al-aqrab. T'as compris l'un, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, les personnes qu'il a le plus éprouvées, c'est l'anbiya. Ibrahim, il a été jeté dans le feu, alayhi salatu wassalam. Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a été expulsé de son pays. Moussa et Bani Israël, ils l'ont combattu d'Iddan. Tout toutes ces épreuves qu'ils ont eues, alayhim salatu salam, al-an tu comprends pourquoi. Les annahum, c'est afdal al-nas. Plus la personne elle est à la khair, plus il est éprouvé. Enfin, c'est une autre bouchra pour toi. Anna, cette épreuve que tu subis l'an, ça montre bi-idnillah que tu es à la haqq. Cette épreuve que tu subis l'an, ça montre que le manhaj que tu suis, bi-idnillah, tu es à la khair. Patiente. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Qala rahimahullah. Qala fal-aqrab. يبتلى المرء على حسب دينه كما جاء في الحديث pour rapport à son دين la personne il est éprouvé. قال فإن كان في دينه صلابة شدد عليه هكذا il a informé le prophète عليه الصلاة والسلام. Si la personne il est قوي dans son دين, il a un iman fort, وعد المؤمنين هكذا, il a un iman قوي, une petite épreuve elle ne fera pas beaucoup bouger, هذا الله سبحانه وتعالى il lui augmente les épreuves, لأن il a de quoi patienter. Hikmatullah subhanahu wa ta'ala. Si ce moumine il a un iman faible, il ne patiente pas beaucoup, Allah il l'éprouvera par rapport à son iman. Une petite épreuve. Qala alayhi salatu wassalam, wa in kana fi dinihi riqqa, riqqa, une faiblesse. Qala khuffifa anhu, rahma min Allah. Wa la yazal al bala bil mu'min hatta yamshi ala al wajhi al ard wa laysa alayhi khati'ah. Allah subhanahu wa ta'ala il va t'éprouver, ayyuha al mu'min. Il va t'éprouver. Hatta ce mu'min, il marche sur terre et il n'a aucun péché. Il arrive, yawm al-qiyamah, incha'Allah ta'ala, et il est abiyad, il est safi. Il n'a pas de péché. Ça c'est rahma, min Allah subhanahu wa ta'ala. Il a patienté via la dunya, et yawm al-qiyamah, il sera à la khayf. هذه الفائدة الأولى أن الابتلاء pour le mu'min c'est que الدواء c'est un علاج, c'est un médicament. Et vous avez remarqué, et tout le monde connaît هذا, أن la prise, quand tu prends un médicament, ربما le goût il est amer, لكن c'est pour ton bien. Ou ربما ce médicament il te fera du mal, une opération, une piqûre, ça fait du mal. لكن patiente, Inch'Allah, c'est pour ton bien. Enfin, comme on patiente quand on prend un médicament, même si le goût il est amer, qu'est-ce qu'on patiente face à ces épreuves. Même si c'est amer au début, Inch'Allah, à la fin, ça sera plus de goût que l'asal. لأن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده. الفائدة الثانية, la deuxième فائدة. قال ابن القيم رحمه الله أنه لولا هذا الابتلاء والامتحان لما ظهر فضل الصبر والرضا والتوكل والجهاد والعفة. صحيح. Avec cet ابتلاء, cette épreuve, tu t'apercevras des bienfaits du sabr. والرضا, t'es satisfait. والتوكل, tu places ta confiance en Allah. كذلك, tu goûtes les saveurs du jihad, في سبيل الله, cette عبادة عظيمة. Tout ça, c'est l'ibtila. Amma, si toutes les personnes, il n'y aurait pas d'ibtila, tout le monde vit sa vie à la khair, sans épreuve, tu ne connaîtrais pas c'est quoi la patience. Tu n'aurais jamais goûté au jihad. Hatta tawakkul ala Allah, rubbama, tu le perds ou il diminue. Léana, tu es habitué à l'aisance. Ah, ça, c'est une hikma min Allah. عز وجل قال ابن القيم رحمه الله والشجاعة والحلم والعفو والصفح والله سبحانه وتعالى يحب أن يكرم أولياءه بهذه الكمالات. الله سبحانه وتعالى يتم parce que t'es un مؤمن et il veut te faire goûter ces choses, الجهاد والرضا والتوكل والصبر والشجاعة والحلم والعفة, tout ce que l'imam ibn al-Qayyim il a cité. Cette chose tu vas les goûter au moment de l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, il veut te faire goûter ces choses. Et avec ces choses, il pardonne tes péchés et il t'élève en degré, comme on a vu dans le point précédent. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, qala bihadhi al-kamalat wa yuhib dhuhuraha alayhim liyutni biha alayhim huwa wa malaikatuh wa yanalu bittusafihim biha ghayatul karama wal ladha wal surur wa in kanat murra al-mabadi. Allah subhanahu wa ta'ala, l'an, il veut t'élever, il veut te faire goûter à ses bienfaits avec cette épreuve. Même si au départ, comme a dit Ibn Qayyim, wa in kanat murra, murra, quelque chose de mur, c'est quelque chose de amer. Wa in kanat murratul mabadi, même si au départ, c'est difficile. Lakin, la fin, allez aux croyants, allez aux pieux. Qala fala ahla min awaqibha. Fala ahla. Il n'y a pas une chose qui a plus de goût, qui a un meilleur goût que la fin de cette épreuve. Et là, on le vit. Voilà. تتعب احيانا حتى لا بيرسون اي كرو خلاص سي لا فان يتعب اما ان مالادي اما ان فتنه اما ثم لو جور والله سبحانه وتعالى il le guérit ou il lui efface cette épreuve يرتاح et tu retiens que les bonnes choses toutes les douleurs t'as patienté en الحقيقه هذا تبلي الصبر الصبر الفائدة الثالثة خوازم فائدة من كلام ابن القيم رحمه الله قال وإذا تأملت حكمته سبحانه وتعالى فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقه به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه الآن ابن القيم رحمه الله يتكمبر ces épreuves c'est comme un pont qui t'emmène à la Jannah obligé pour arriver à la Jannah que tu traverses ce pont في الدنيا c'est tes épreuves tes épreuves, un jour tu vas bien, un jour tu vas mal, un jour t'as l'iman qawi, un jour ton iman il descend, un jour t'as de l'argent, un jour t'en as moins. Hadha al-an t'avances. T'es comme sur un pont. Est-ce que tu vas arriver à ton objectif al-jannah am la? C'est ça le dunya. Kadhalik yawm al-qiyama t'auras ce pont, as-sirat. Entre qui est au-dessus de jahannam et qui mène al-jannah. Hadha c'est ça le dunya. T'auras deux ponts. Al-dunya, les épreuves. كذلك يوم القيامة الصراط والموفق من وفقه الله عز وجل قال ابن القيم رحمه الله قال وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة cette épreuve الآن ce pont في الحقيقة c'est un bien pour toi لأن c'est un chemin qui t'emmène à أعظم الجزاء وأعظم الكرامة الجنة ففي الحقيقة سبون الآن que tu vas traverser c'est un bien بعض الناس ربما ils parcourent une distance des kilomètres pour un bienfait de dunya ربما quelques euros يصبر une route ils parcourent un chemin énorme يصبر لماذا ils patient لأنه il sait qu'à la fin il va gagner quelque chose ربما c'est comme on a dit, quelques euros qui ne serviront pas à grand chose. Mais antal an, t'es sur un chemin, sur une route, la récompense c'est le Jannah. Fiha ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. C'est le fawz al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a qualifié le fawz al-azim. C'est un bienfait, il ne s'arrêtera jamais. La personne, il a tout ce qu'il veut. Ismir. Ismir. Si tu compares hein, la récompense de l'Jannah avec ces épreuves qu'on a, la haqiqa c'est incomparable. Lakin, rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, on résume le kalam. Son kalam il est akthar. Haqiqa, on vous donnerait les références ahsan. Hatta vous les écrivez, celui qui veut les ana, je ne lis pas tout. Le waqt il est dayiq. Ta'lamoun, les frères ils sont mashghoul. On khtasr. Et je vous donne, inshallah, les références. Celui qui veut revenir au kalam, il va à la maktaba et il note ce kalam, il est muhim. Ah, ou je vous donne ce document. Inshallah, je vous donnerai la référence à la fin. Al-Muhim, le premier kalam, il est min Iratat al-Lahafa. Volume 2, page 188 d'Ibn al-Qayyim. Le deuxième kalam qu'on a lu, il est min Kitabihi Navi' Shifa al-Ali. Volume 1, page 244. Celui qui a du mal à les noter, on les répétera à la fin. Qala رحمه الله ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم الآن ابن القيم رحمه الله va citer des exemples de prophètes de messagers les épreuves qu'ils ont subies Inch'Allah أنت t'es un mu'min t'aimes ces messagers tu vas profiter de leurs épreuves comment ils ont réagi qu'est-ce qu'ils ont fait قال ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء La plupart des messagers, tous les messagers qui sont venus après Ibrahim, ils sont de la descendance d'Ibrahim. Imma Ismaïl, imma Ishaq. C'est Abu al-Anbiya, Cheikh al-Anbiya. Qala wa amoud al-alam wa khalil rabbi al-alamin. C'est Khalil Allah, Khalil al-Rahman. Qala min bani Adam wa ta'ammal ma alat ilayhi mihnatuh wa sabra. Naam, ay ta'ammal sabra. أنت الآن dès qu'on récite le Coran يا جماعة et on lit les histoires des prophètes تأمل تأمل بروفيت لي بقراءة هكذا لا تأمل تأمل son épreuve تأمل la fin comment elle était حتى أنت si tu as une épreuve tu profites هكذا قال وبدله نفسه لله وتأمل كيف آل به بدله لله نفسه ونصر ونصر قال ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه وآمر رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع مثله صحيح toutes ces épreuves qu'Ibrahim الآن il a eu c'était difficile il va en citer une il a patienté حتى c'est devenu une qudwa pour tous les mouminins les mouahidins حتى notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم il a été ordonné de suivre le millat Ibrahim عليه الصلاة والسلام الآن il va citer cette épreuve قال وأنبهك على خصلة واحدة مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده c'est une épreuve عظيمة أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ولده une épreuve من الله عز وجل c'est une épreuve كثير من الناس il pourra pas patienter face à cette épreuve كثير من الناس tu dois sacrifier ton fils لله وبعض الضعفاء الآن il égorge un mouton il pleure ربما les sentiments une poule il n'arrive pas ضعيف هذا الآن c'est son ولد C'est son malade, il va le placer, il va sortir la lame et il est prêt à l'égorger. Lillah Azza wa Jalla. Et l'adhi min hada, c'est que le walad kadhalik, c'est un nabi. C'est un salih. Le walad kadhalik, il est prêt. Les deux, ils sont prêts face à cette épreuve. Ta'ammal al-faraj. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il facilite au mu'min, si patient. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah. Qala بذبح ولده فإن الله تبارك وتعالى جازى على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك في نسله وكثرته حتى ملأ السهل والجبل فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرم إبراهيم لا فاسيونتي الله سبحانه وتعالى Il est chakour, il est reconnaissant. Il lui a remplacé son fils, Kabsh, par un mouton, un bélier. Ibrahim, alayhi salam, al-an, il était prêt à sacrifier son fils. Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité. Ben, ce fils qui restait vivant, c'est devenu un nabi, un rasoul, et sa descendance, c'est des anbiya et des rasoul. Ben, notre prophète Mohammed, alayhi salam, afdal al-anbiya, afdal al-bashar, afdal al-khalq, alayhi salatu salam, il fait partie de cette descendance. Alors qu'au départ, Ismaïl, il devait être sacrifié. C'est quoi le si tu regardes la base de tout ça, après Tawfiq Allah Azza wa Jalla, c'est qu'il a patienté. C'était dur. Qu'il a patience, la patience. Cette épreuve, elle est passée. L'an, Ibrahim et ses enfants, c'est min afdal al-nas. Deuxième exemple. Notre prophète Muhammad alayhi salatu wasalam. قال ابن القيم رحمه الله فإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره بالله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله النبي صلى الله عليه وسلم أي notre prophète Muhammad c'est la personne qui a été le plus éprouvé لأن c'est la personne qui a l'iman le plus قوي et c'est la personne que Allah il aime le plus من يريد الله به خيرا يصب منه Si Allah il aime une personne, il l'éprouve. Plus il l'aime, plus il l'éprouve. Vu que notre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne la plus aimée indallah, automatiquement c'est la personne la plus éprouvée. Lakin ta'ammal. Mais dites bien un tas, toutes les épreuves qu'il a eues, on va en citer quelques-unes, et c'était quoi la fin? Qala ibn al-Qayyim rahimahullah. Qala. وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف وغنى وفقر وأمن وإقامة في وطنه وضعن عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بالسائر أنواع الأذى Ça, c'est les épreuves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été expulsé de son pays. Il a rien fait. C'est son balade. Mecca. Et c'est la terre qu'il aimait le plus, alayhi sallallahu alayhi sallam. Ta'alamoun, on a quitté une terre que t'aimes, c'est très difficile. Le Nabi sallallahu alayhi sallam, il est expulsé de force. Beaucoup de ses compagnons, ils ont été tués. Beaucoup. Au Rubama, certains, le Nabi sallallahu alayhi sallam, il était présent. Fait Uhud, fait Badr. Ils ont été tués, bighayri haqq. Kadhalik, certains de ses compagnons, ils ont été torturés. Ils ont rien fait. Illa, ils avaient l'iman billah azza wa jalla. Toutes ces épreuves, al-hijra, la pauvreté. Marra, ils ont demandé à Aisha radiallahu anha, plus de 3 mois, ils n'ont pas vu le feu chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aïe, le feu pour faire la cuisine. Ils ont demandé à Aisha radiallahu anha, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Elle leur a dit l'aswadan, at-tamr wa al-ma. 3 mois. 3 mois, ils mangent que des dattes et de l'eau, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on n'a pas dans ces épreuves, maintenant. C'est à la khair, tu manges. Tu as été éprouvé par un groupe de pharaons. Patiente, faqat. Et la haqiqa, cette épreuve, c'est par rapport à notre iman. Amma haoula leur iman le taqawi, ta ammel. 3 mois l'an à tamr ou l'ma. Quand il y a un nas, rubama, il perd la raison via dal hal. Qala, l'imam al-Qayyim, rahimahullah, wa adha al-kuffar lahu bi sa'ir anwa' al-adha. Ils lui ont fait un hisar, un blocus, des semaines, alayhi sallam, bighayri haqq. Al-Ahzab, il a été entouré par Qaba'il al-Arab, par les Yahoud, par bighayri haqq. Tout ça, wa yasbir. Sulh al-Hudaybiyah, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vient de Medina jusqu'à Mecca. À notre époque, ça fait 400 km. Rubama, à leur époque, il faut un mois, deux mois de marche. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus d'un mois de marche. Il arrive à Mecca, il vient de Medina pour faire l'Umrah. Il veut faire de mal à personne. Il veut faire une ibada. Lillah Azza wa Jal. Kuffar Quraysh, ils le bloquent, ils lui disent retourne chez toi. Il n'y a pas d'Umrah cette année. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il patiente. Hatta ils lui mettent des conditions. Ils lui font un sulh, ils lui mettent des conditions. Ceux qui viennent parmi nous à toi, tu nous les rends. Maintenant, un kafir de Quraysh, il veut se convertir à l'islam, il va à Médine, le prophète il est obligé de le rendre. Si un musulman de Médine, il décide de quitter l'islam et il revient à Mecca, on ne te le rend pas. C'est chadid, hein? Ça c'est chadid à la nafs. Al Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout ça il patiente. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaît le Coran. Et il sait, et il a il sait qu'Allah va le secourir. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait que c'est une histoire de temps. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il retourne le Medina, il n'a pas fait l'Umrah, un mois de marche. نحن بعض الإخوان أحيانا il veut faire le hajj, son passeport il n'est pas sorti, c'est la fin, il crie, il n'a pas fait encore la marche, ouais, il est chez lui, ils lui disent cette année il n'y a pas de hajj, ton passeport il n'est pas sorti. On ne patiente pas. On a un mois de marche, il arrive près du but, Rubama, il voit le bayt, ils lui disent retourne, il retourne. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala il l'a secouru. 2 ans après il est venu à Mecca, il a récupéré Mecca, fatih. Mecca, les musulmans, ils font le hajj quand ils veulent, ils font l'umra quand ils veulent. Hada. Al-aqibatu li taqwa. Tous ces exemples qu'on donne, ça doit être tasliya lak. Et c'est ça le but de ce kalima. Tous ces exemples qu'on te donne, akhi, c'est pour que cette épreuve qu'on vit, nahnu, tu compares à haoula, tu te dis alhamdulillah. On est à la khayr. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut notre bien. Alhamdulillah, cette épreuve par rapport à notre iman, on arrive à patienter. Fa lillahi alhamd wal minna. Qala. Ibn al-Qayyim, il conclut l'an, il a donné des exemples de plusieurs prophètes, on en a cité 2, yakfi. Qala walillahi subhanahu min al-hikam fi ibtila'ihi anbiya'ihi wa rusulihi wa 'ibadihi al-mu'minin ma tataqasar 'uqul al-'alamin 'an ma'rifatihi wa hal wasala man wasal ila maqamat ila al-maqamat al-mahmuda wa an-nihayat al-fadila illa 'ala jisr al-mihna wal-ibtila'. Donc Qayyim l'an, il conclut أن الله سبحانه وتعالى إلى أن حكمة d'éprouver ses prophètes, d'éprouver ses serviteurs. Et tous ceux, الآن, qu'ils ont atteint ces hauts niveaux, notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est أفضل الناس. Ibrahim, il est في السماوات العلى. Moussa, كذلك. هؤلاء, ils auront les hauts degrés في الجنة. Tout ça, ils ont traversé ce pont d'épreuve. قال ابن القيم, إلا على جسر المحنة والابتلاء. Ce pont, الآن, que toi, tu es en train de traverser, il y a des dunya, et tu es éprouvé, haoula, ils ont patienté, et bi'idnillah, ils sont arrivés au but. Tout ça, bi'idnillah, et ils ont fait les causes. Ils ont patienté, ils ont adoré Allah seul, et ils ont observé les commandements, ils se sont écartés des interdits. T'es sur ce pont, patiente, mais idnallah t'arriveras au bout. Patience, c'est une histoire de temps. Combien de personnes, combien de frères, ils tombent malades, Obama, il souffre, il patiente une semaine, il n'a plus rien. Ka'annahu, il n'est jamais tombé malade. Cette petite épreuve, il l'a passée. Les épreuves, ça ne dure pas, ya jamais. Ce qui est dur, c'est le jannah ou le nar. Fariqun fil jannah, fariqun fil sa'ir. C'est ça que c'est ça, l'éternité. Amma, cette épreuve, ce n'est pas une éternité. C'est dunya. Dans un mois, deux mois, un an, dix ans, c'est fini. Et bien, idnallah, essaye de profiter, hatta tu sors élevé de cette épreuve. Idnallah, azza wa jalla. الفائدة الخامسة أو الرابعة قال الإمام ابن القيم رحمه الله فإن المكلفين بعد إرسال الرسل إليهم بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنت وإما أن لا يقول فريق في الجنة وفريق في السعير الله سبحانه وتعالى إلى envoyer ce message نحن le prophète محمد عليه الصلاة والسلام tu vas avoir deux groupes de personnes. Un groupe qui va dire Amantu billahi wa rasuli, un autre groupe il ne va pas croire. Ce qu'on appelle Al-Mu'minun ou Al-Kuffar. Al-Munafiqun, ils sont avec le Kuffar. Qal ibn al-Qayyim rahimahullah. Qal wa imma an la yakul bal yastamir ala al-Siyyat. Faman qala amana. Faman qala amana. Ay Amantu. Celui qui dit je crois, il accepte l'iman. Qala imtahanahu. رب العالمين تعالى وابتله celui qui accepte ce din qui accepte ce iman il se prépare à être éprouvé لأن accepter d'apparence c'est une chose tu vas te faire éprouver est-ce que tu es sincère ام لا هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه les messagers sont passés par là leurs suiveurs sont passés par là jusqu'à يوم القيامة les derniers mu'min ils seront éprouvés par الدجال. هكذا شك مؤمن إلى صنع إبخال قال رحمه الله لتحقق لتتحقق أو ليتحقق بالإيمان أو لتحقق الإيمان كأنه ينغى لتحقق الإيمان أي est-ce que son iman il est fondé sur la sincérité et la véracité أم لا c'est pour ça que tu trouves المنافق il fait apparaître l'islam une épreuve il tourne le dos comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prétendaient aimer le rasoul, on est des mu'min, ils faisaient salat. Dès qu'ils ont été prouvés par le djihad, la plupart d'entre eux, ils faisaient demi-tour. Il y en a, ce iman, il est fondé sur rien, c'est un menteur. Al-Munafiq, c'est un kadhab. Lui, son iman, c'était préserver son neuf, ses enfants, et il voulait s'y un profit vers le mu'min. Enfin, il est éprouvé, il fait demi-tour. Al-mu'min, là, il est éprouvé, il yasbir. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'an, il éprouve sa sincérité. Est-ce qu'il est sincère ou pas? Fasbir akhi al-karim. Qala al-imam al-qayyim ba'd hadha. Qala wa man lam yu'min fala yahsib annahu ya'jizu rabbahu ta'ala aw ya'jizu rabbuhu ta'ala wa yafutuhu bal هو في قبضته وناصيته بيده فله من البلاء أعظم مما ابتلى به من قال آمنت هذه سن فائدة crois pas que le kafir s'en sortira أبدا حتى celui qui dit je crois pas الكفار هذا الله سبحانه وتعالى c'est son رب toi t'es un serviteur croyant lui c'est un serviteur kafir et les deux sont bien ناصيات الله عز وجل الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut. Enfin, ne crois pas qu'il sortira indemne, abadan. Il aura des épreuves comme toi au plus. Comme les kuffar, l'an, ils sont fi ta'ab. Ma'ishat al-dhanka, comme il l'a appelé Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont fi dhank. Les kuffar, probablement, il vit la pauvreté, il vit la maladie, et il n'a pas de din. Il n'a ni dunya ni din. Fala, la tazun, anna al-kafir, il sera épargné. Ça te montre, anna ma min abd, que ça soit mu'min ou kafir, il sera éprouvé. Fa, choisis ton camp, akhi al-karim. Que tu sois mu'min ou kafir, tu seras éprouvé. Vaut mieux être éprouvé et après t'as le jannah que être éprouvé fi dunya et après la personne wa l'iyadu billah il finit fi nar éternellement. Hadi c'est une faïda ibn al-Qayyim, il te montre, il te rassure ayyuha al-mu'min, t'es éprouvé. Al-an, nahnu ici, on est éprouvé. Wallahi, ba'd al-kuffar, il vit une vie, t'es 1000, 100 000, 1 million de fois plus heureux que lui. Wallah. Wallah. Tellement quand c'est dur, ils essayent de mettre fin, ils se suicident. Ou le meskin, il ne sait pas qu'il est passé à une étape encore plus dure, al-qabr. Et il ne sait pas l'étape qui l'attendra à Jahannam, elle est encore plus dure. Enfin, c'est quoi qui pousse certains kuffars à se suicider? Il a hâle. Rubama, une épreuve, il est licencié. Chauffe-la, c'est une épreuve, elle est sale. Ouais, il se fait licencier, il croit que c'est la fin, c'est tout, et on ne va plus pouvoir s'en sortir. Il arrête, il met fin. Ouais. Haqiqa, c'est que le début, là, qu'il m'a aidé. Anta, rubama, hisar, tu manges moins. Rubama, des bombes, rubama, des tirs, rubama, des blessés. T'es à la sakina. Tu viens au dors, tu sors, ce que Allah, il a qadr, il a qadr. Wallah, tu mets un kafir avec nous 5 minutes, et tu le trouves dans sa chambre, il est pendu. Il a pas l'arme, il n'a pas ce qu'il vaut. Ah, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma qu'Allah il t'a donné l'épreuve et il t'a donné comment faire face à cette épreuve. Al-Iman. Sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala al-tawfiq. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah. Qala falabud an yubtala min a'da'ihi wa a'da'i rusulih بما يؤلمه ويشق عليه ومن لم يؤمن به وبرسوله فلا بد أن يعاقبه فيحصل له من الألم والمشقة أضعاف ألم المؤمن. Celui qui ne croit pas, il sera éprouvé beaucoup plus. Et même s'il est éprouvé moins en apparence, il n'a pas ce iman pour patienter. Quand tu auras une grosse épreuve, ton iman t'arrivera à patienter avec. Le cas fait une petite épreuve, on a donné un exemple, il essaiera d'en finir. والمصيبة سكوا سأبخ قال ابن القيم رحمه الله فلا بد من حصول الألم لكل نفس مؤمنة أو كافرة لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا أشد ثم ينقطع ربما المؤمن on a dit le mu'min et le kafir ils seront éprouvés. Le mu'min ربما les épreuves elles seront plus dures dans le dunya لكن elles sont plus courtes. Il meurt بإذن الله ça s'arrête في القبر. Il est في روضة من رياض الجنة. Il est dans un jardin parmi les jardins du paradis. Et Yom al-Qiyamah, les comptes, ils sont simples pour lui. Et il va fil Jannah éternellement. La haqiqa, cette épreuve, c'était une courte durée, il a patienté. Al-Kafir, qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, qala, lakin al-mu'min yahsul lahu al-alam fi dunya ashadu ma yanqati' wa ya'qibuhu a'zam al-ladha. Wal-Kafir yahsul lahu al-ladha wa al-surur ibtida'an, thumma yanqati' wa ya'qibuhu a'zam al-alam wa al-mashaqqa. Al-Kafir, rubbama dans cette dunya, il y a des kuffars, ils seront moins éprouvés. Bel, certains d'entre eux, ils ont femmes, enfants, et ils ont des ni'am, lakin ça va s'arrêter brutalement. Et ça, c'est un adab shadid. Ta'lamoun, on a celui qui a beaucoup de choses, du jour au lendemain, tu lui enlèves tout, et tu le mets finnar, c'est très difficile. C'est pas comme le mu'min, il a pas beaucoup, rubbama, il souffre, il meurt, et il trouve un ni'ma. Hada, c'est ça, al-hikma. Fala taghtar. لا تغتر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الدنيا سجنة الكافر سجن المؤمن جنة الكافر فتي في سجن تي كوم دون بريزون اصبر اصبر الكافر pour lui c'est le jannah لأن ce qu'il attend c'est pire malgré que dans cette jannah pour lui quel jannah il souffre لكن ce qu'il attend c'est pire enfin même s'il souffre cette dunya c'est le jannah pour lui ce qu'il attend c'est pire جهنم عياذا بالله والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون تأمل سبخس si toi tu souffres أيها المؤمن إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون نحن مثلا نقول exemple face à هؤلاء الزنادق الكفر الحذي لا شك t'as des souffrances الآن Robama, tu manges moins. Robama, tu as des gardes. Tu dois rester la nuit. Le froid, la fatigue, les bruits. Tu vois des frères blessés, des frères morts. À chaque fois, tu as un cœur, tu as un mu'min, tu as un être humain. Lakin, n'oublie pas annahum kadalik. N'oublie pas ça. In takunu ta'lamun, fa innahum ya'lamun. Kama ta'lamun. Tu crois que lui dort comme il veut. Tu crois qu'il mange comme il veut. Tu crois qu'il n'a pas de blessés. Tu crois qu'il n'a pas de mort. Allah, il est vital. Wallah, il souffre plus que toi. Anta, ce que t'as, tahtasibuhu lillah. Amma huwa, il est fi sabil iblis. Il espère rien, huwa. C'est un kafir billahi azza wa jal. Tout le taf qu'il a, ça lui rajoute des dunoub ala dunoub. Wa inda Allah, subhanahu wa ta'ala, tajtami al khusum. Kadhalik, qawlullah azza wa jal, in yamsaskum qarhun, القرح سين ديفيكولتي إن يمسسكم قرح أي سيتوا أيها المؤمن تتوشي باغ إن ديفيكولتي فقد مس القوم قرح مثله. Si toi t'es touché par une difficulté, une bombe elle a détruit ton masjid, ou une bombe elle a blessé tes frères, qu'en est-il comme qu'en est-il qui reçoivent des choses et ils sont vitaux. Lakin, comme a قال عز وجل, wa tarjouna min Allah, ma la yarjou. Anta, toutes ces difficultés t'ahtasib. Lillah عز وجل. Et tu sais que yom qiyama ça sera pour toi, bi'idnillah. Fabashir al-sabirin. Amma hum, qu'est-ce qu'ils espèrent? As-sa Allah subhanahu wa ta'ala, an yaqtulahum. الفائدة الخامسة قال ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم. هذا مهم. هذا فائدة تأملها أخي الكريم في هذه السيتواسيون كتبي. سي الله سبحانه وتعالى إذا تستقوا مثلا الرافضة سيدي كفار Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre en place azza wa jal, des asbab pour les détruire. Ta'amman. Que ce soit le Yahoud, que ce soit le Nasara, que ce soit le Rafida, Allah subhanahu wa ta'ala, il les déteste parce que c'est des kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala, yamkurun wa yamkuru Allah, wallahu khayrul makirin. Il mettra des asbab qui vont les pousser à leur ruine, à leur perte. C'est quoi ces asbab? Quelqu'un peut demander c'est quoi ces causes? قال ابن القيم رحمه الله ومن أعظمها بعد كفرهم. Le plus grand sabab c'est leur kufr. Allah il déteste le kufr. Le premier sabab qui va leur emmener à leur perte c'est leur kufr. Ils combattent l'islam. ثم قال قال ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه. Ça c'est مهم. حقيقة الآن ça doit t'apaiser أيها المؤمن. أن ce qu'ils font هؤلاء الخبثاء المنافقين qui combattent à la أولياء الله سبحانه وتعالى وطلبة العلم des innocents qui leur ont rien fait, فالحقيقة c'est le début de leur perte. الله سبحانه وتعالى il les voit, il entend et il sait très bien qu'ils font du dhulm. Ce dhulm de jour en jour il augmente, de jour en jour il s'intensifie. Un jour Allah subhanahu wa ta'ala les éliminera à cause de leur kufr et leur dhulm. Fasbir. Ce dhulm l'un des rafidats c'est le début de leur fin. Lakin en tant que mu'min t'es éprouvé. Pourquoi Allah les élimine pas direct? T'es éprouvé akhi, oublie pas les adillah qu'on a cité avant. Dans la réalité t'as deux parties, Awliya al-Rahman ou Awliya al-Shaytan. T'as le groupe d'Allah et le groupe d'Iblis. Une épreuve elle concerne les deux. Allah il a une hikmah. Cette épreuve il élève les croyants et il leur enlève des péchés, et cette épreuve il rabaisse les kuffars. Rabbama c'est la cause, il les élimine. Cette épreuve Rabbama elle durera un mois, deux mois, un an, dix ans, cent ans. Lakin al-aqibatu lil-muttaqin. Fa'anta en tant que mu'min isbir. Ne te précipite pas. Pourquoi? Mais la t'est-à-dire. Espère. Place ta confiance en Allah et dans tous les cas, t'es gagnant. Ça dure une semaine, t'es gagnant. Ça dure 10 ans, t'es gagnant. La t'est-à-dire. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa asa an takrahu shay'an wa huwa kurhun lakum. وعسى أن تحب شيئا أو إيش جاء بقص الآية ها وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وعسى أو أن تكره شيئا وهو خير لكم هذا وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا فلا تستعجل والله ربما أنت تشوف cette chose c'est un شر c'est un كذا c'est un bien pour toi وعسى tu penses que أحيانا t'es dans le bien c'est un mal pour toi. فبلاس ta confiance en Allah لأن الله سبحانه وتعالى قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت tu sais pas, t'es un مسكين. الله سبحانه وتعالى il sait ce qu'il y a dans le غيب. الله سبحانه وتعالى il connaît مكر هؤلاء. Il connaît leur ruse, il sait ce qu'il prépare. Anta Allah, beaucoup de choses tu ne sais pas. Place ta confiance en Allah et Allah subhanahu wa ta'ala, il est ma'al muttaqin. Hadi, c'est une fa'ida. Annana la nasta'jil. La nasta'jil, cette épreuve, c'est le début de la fin des dhalama. من الفوائد قال سيد ابن القيم نختصر لأن الكلام في حقيقة طويل. قوله أن البلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام. Quand tu es éprouvé, ayyuhal mu'min, tu es éprouvé en général dans quatre choses. Une de ces quatre. Qala imma an yakun fi nafsi. Ça, c'est la première. Tu peux être éprouvé dans ton nafs. Ça peut être une maladie, ça peut être la mort, ça peut être. Qala aw fi mal. T'es bien, ton argent. Probablement, une personne, il perd sa maison, il perd son argent. Qala aw fi irdi. Ton honneur. Une personne, il se moque de toi, une personne, il t'insulte. Qala aw fi ahli. Tu perds un enfant, tu perds ta femme, tu perds un parent. قال أو في أهله ومن يحب. La personne est éprouvée dans une de ces quatre. Enfin, la personne il doit patienter. Que ça soit ton enfant, ou ton argent, ou toi, ou une personne que t'aimes, اصبر. Allah t'a éprouvé. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال وأشد هذه الأقسام المصيبة في النفس. La plus dure, ça sera la مصيبة في النفس. Ça sera le musiba fi nafs. قال رحمه الله من المعلوم ان الخلق كلهم يموتون وغايه هذا المؤمن ان يستشهد في الله وتلك اشرف الموتات. La plus dure là, صحيح ان t'éprouver ton nafs, tu meurs. Ça c'est une des plus dures. L'être humain il est comme ça, il veut pas mourir. Si son père il meurt, il va patienter. Son fils il meurt, il patientera. لكن هو en général l'être humain il est هكذا. Il n'aime pas la mort. قال ابن القيم المعلوم ان الخلق كلهم يموتون. قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت. اولا ابن القيم il te pose cette règle que tu comprennes bien. Tu devras mourir. Aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 50 ans, tu mourras. Personne n'échappe à la mort. ثم قال وغاية هذا وغاية هذا المؤمن ان يستشهد في الله وتلك اشرف الموتى. Si tout le monde va mourir, en tant que mu'min, essaye de choisir la meilleure mort. C'est comme si on te propose de l'argent maintenant. 1 euro, 5 euros, 100 euros, 1000 euros. On te dit choisis. Prends le plus. Profite. Tant que c'est halal. Al-an, tu vas mourir. Imma kafir, nasallahu al-aviyya. Imma fasiq, imma ala sunnah. Imma en tant que savant. Imma en tant que martyr. Imma. Là, tu auras une de ces morts. Essaye de prendre la meilleure. Et parmi les meilleures morts, c'est shahad. قال ابن القيم رحمه الله وتلك اشرف الموتات واسهلها. C'est la meilleure mort et c'est la plus simple. قال فانه لا يجد الشهيد من الالم الا مثل الم القرصه. الشهيد كما جاء في الحديث ان la douleur qu'il va ressentir lors de sa mort c'est comme s'il est pincé فقط. تعلم quand tu es pincé par une fourmi, cette petite douleur c'est ça فقط. اما بعض الناس الكفار ils ont un alam شديد. Tu le vois, hatta son visage, quand il meurt, quand il goûte sakarat al-maut, tu vois, hatta son visage, il change. Le shahid, Rabbama, tu le trouves avec le sourire. Rabbama, trouve son wajh, il est abiyad. Liana, c'est une mort très facile. Même si avant, c'est un peu difficile. Qala ibn al-qayyim rahimahullah, qala illa mitl alam al-qarsa, fa laysa fi qatl al-shahid musiba zaida ala ma huwa mu'tad li bani adam, fa man adda musibat adam qatl adam min musibat al-maut ala al-firash, fa huwa jahil. Ibn al-Qayyim il conclut l'âme, il te dit si tout le monde va mourir, la mort du shahid c'est la plus simple. Enfin celui qui pense que celui qui va au combat, il va au combat, tout le meurt, que meskin c'était difficile, qu'annahu il a des sentiments pour lui, wallah il se trompe. Il se trompe. Aliyada ibn al-Qayyim il te dit wallah celui qui pense que la mort, fil ma'araka au combat, c'est plus dur que celui qui meurt dans son firage, c'est un ignorant, il connaît pas le Coran ou le Sunna. Wallahi, celui qui meurt, rubbama dans son firage, rubbama c'est un traître. Rubbama il a tourné le dos. Rubbama c'est un kafir, rubbama c'est un munafiq. Il est fi ashad al-adab. Mais hada il est fi sabilillah. Hada il est fi sabilillah. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala l'akram, cette douleur. Anta rubbama tu vois son corps décapité, rubbama. Wallahi, c'est comme un pincement d'une fourmi. Il a rien senti, بإذن الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله قال فهو جاهل بل موت الشهيد من أيسر الميتات وأفضلها وأعلاها ولكن الفار يظن أنه بفراره يطول عمره فيتمتع بالعيش وقد أكذب الله سبحانه وتعالى هذا الظن. بعض الناس والعياذ بالله نسأل الله العافية. Vu qu'ils ont un sou au dhan billah, ils ont une mauvaise aqida. Prends l'exemple des kuffars, des munafiq. L'exemple du munafiq, maintenant il y a un jihad. Al-mu'minun, il se prépare à combattre. Al-mu'min, il a ce aqida. S'il reste en vie, bi'idnillah, Allah il l'élève. Il a le dessus sur son ennemi. S'il meurt, il est fils abidillah. Sa douleur, c'est comme le pincement, une fourmi qui te pince, et inshallah, il est à la khayr éternellement. Vu que le munafiq, il n'a pas ce aqida, dès que les combats ils commencent, il espère se sauver. Il espère échapper à cette mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il a kadhab, هذا سوره الاحزاب قال عز وجل قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت والقتل واذا لا تمتعون الا قليلا. الله سبحانه وتعالى يموت قل لن ينفعكم الفرار crois pas qu'en te sauvant ça va t'être utile ابدا. لماذا؟ لان si tu te sauves tu mourras. Tu vas te sauver où? Tu vas aller où? Tu vas mourir. Autant fais des efforts pour mourir une bonne mort. اما حتى الآن نحن نطبع بعض الجهال مساكين كساسوا دي بروش أو دي بيرسون كي زون با اي كونيس با بيان لور دين اي تو تيليفون لا بروميير شوز كي تو دي اي تيساي دو فير كومبروند اساي دو سوفي تابو يا اخي جو فاليو صلى الله العافيه جو مي سوف جو مور جاريف على ايروبور شارل دو غول جو مور صلى الله العافيه فاليو تي مور في بلاد الكفر اي تا تورني لو دو تا ليسي تي فرار. Ropama, toi t'es mort, t'es parti maintenant, t'es mort lundi. Ropama, les frères que t'as laissés ils sont morts lundi. Les deux vous êtes morts. Il est fil djanna et anta t'es fi khatar. T'es fi khatar. Ceux qui tournent le dos, elle, c'est pas sage. La personne, on conseille les gens, apprenez votre dîn. Et celui qui parle, il parle que s'il sait. Ah, mais ce calame, il peut décourager un frère qui est débutant, qui est nouveau, il connaît pas encore bien son dîn. Hada, il l'appelle, hada, il le fait peur. Là. قال ابن القيم رحمه الله فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع والله لا ينفع. فلهذا قال عز وجل قال وإذا لا تمتعون إلا قليلا لا ينفع. ربما tu vas te sauver, tu vas profiter une semaine. ربما الله t'éprouve, tu meurs في شر والله. La personne يتقي الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Tu vas te sauver, tu vas gagner quoi? Une semaine. Tu vas rien gagner. Allah il a décrété. Lakin t'espères quoi? Une semaine, un mois. Allah il sait mieux de. Tu meurs à la khair et t'es fil jannah, tu profites éternellement. C'est ahsan lak. Qala, thumma qala, qul man dha alladhi ya'simukum min Allah. قول الله عز وجل. Après ce verset, Allah سبحانه وتعالى يقول قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. Allah qui choisit, c'est pas toi. بعض الناس الآن يكروه je vais m'écarter de ce mal, je vais aller vers un bien. Qui c'est qui t'a informé? ربما tu te sauves, tu voyages, t'es arrivé dans un pays, il est en guerre, كذلك. Qui c'est qui t'a dit que t'allais te sauver? Là, si tu veux être sauvé, place ta confiance en Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé, qui a créé le huzi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous secourir ou il peut les secourir. Lakin Allah, il secourt les croyants. Hada, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Amma les choses hakada, c'est minash shaitan. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. C'est ton wali et ton nasir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. N'essaye pas de tourner le dos, ça te fera que du mal. Alhamdulillah, les frères sont à la khayr, lakin on cite le canal Ibn Qayyim, ça nous renforce bi'idhnillah. Fa akhbara subhanahu anna al-'abd la yu'simuhu ahadun min Allah in arada bihi su'an ghayra al-maut. Ça c'est une aqida. Anna ce houthi, wallah il est faible, il est dhalil. والله يفالغي ولله الحمد. Si Allah il nous veut quelque chose bien ou mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amma lui il peut rien te donner, il peut rien t'enlever. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الامه لو اجتمعت على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. Si toute la umma, pas ces qirada, ces kilab, ils sont 10 ou 20, là, si toute la umma, les yahoud, les nasara, les mushrikoun, des milliards de personnes, ils encerclent le dammat et ils nous font un blocus et ils veulent nous faire du mal, wallah, ils pourront rien faire que si Allah veut. des avions, mais est-ce que tu veux comme armement? Il n'y aura que ce que Allah y veut. Fais la balle ou que 20 singes y courent dans des montagnes. Ils n'ont aucune qima. Sarahatan, ils n'ont aucune qima. Place ta confiance en Allah et ce que Allah il arrivera, il arrivera. Et ce qui t'arrivera, c'est du khayr. T'es blessé, t'es khayr. T'es en bonne santé, t'es à la khayr. On s'inquiète pour que ceux qui sont à l'extérieur, ceux de l'extérieur, ils s'inquiètent pour nous. On s'inquiète, nos familles, nos proches, ils sont vus bilal kouf, on fait du aïa, Allah, ils s'égarent pas. Eux, les pauvres, ils sont au bout, et ils sont inquiets pour nous. On est à la khayr. Wallah, on est à la khayr. Ah, mais c'est vous qu'on est inquiets pour vous, l'haqiqa. Nous, nous sortons de mal, nous, nous sortons de la France. Et on revient au kitab al-sunnah, qui c'est qui a raison? Je sais que rester là-bas, c'est un char. Et on voulait finir, à force de parler, ça me fatigue. Et on voulait finir en un cours, on finira demain. Pas après. Haqiqa li. Inch'Allah, on finira demain. C'est un kalam muhim, kalam des savants de la sunna. Anta, c'est une faïda ça. Anna, dans ce genre d'épreuves, khasatan, quand il y a des épreuves, reviens aux savants de la sunna. Tu vas écouter une personne, Rubbama, il est plus faible que toi, il va dire des choses, ça va te mettre dans l'embarras. Rubbama, tu vas écouter un autre, il a du courage, il suit trop son courage. Rubbama, il va te pousser à des choses. Reviens au savant de la sunna. قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Revenez, on revient toujours au savant de la sunna. نحن الحمد لله دار il y a un cheikh, il y a un savant de la sunna. On a des mashayikh, on a des professeurs, on a des frères qui sont à la khayr. Fahada. Dans ce genre d'épreuve, tu reviens à haoula et ils te montrent. Combien de fawa'id l'an dans ce dars de même pas une heure de kalam ibn al-Qayyim? Très savant, un imam de la sunna. Inch'Allah, on ne perd pas notre temps. Fulani l'a dit, Fulani l'a fait. Ils vont faire, ils ne vont rien faire, ya akhi. Allah, ils vont rien faire, illa ma qaddarahullah. C'est une épreuve, faqat. Mais ils vont faire quoi? Les êtres humains comme toi, ils sont probablement moins nombreux, et ils n'ont pas l'aqidah et ils n'ont pas le khayr qu'on a. Nansa'a l'ikhwan bihada, muraja'at al-mus'haf. La personne, il ne laisse pas le Coran. Kadhalik, il lit des livres de la sunna, il assiste à des dorous quand il peut. Et dès qu'il y a quelque chose, ils ont besoin de lui, Inch'Allah, il est prêt. Amma, dans la rue, toute la journée, ils ont fait, ils vont faire. Fulan, il a dit, Fulan, maïam fait. Ton cœur, il va se serrer, tu vas te faire du mal. Rubbama, ton cœur, il va être serré, il faudra faire des choses, tu ne pourras plus. Ahada, on conseille les frères, bil hudu, wa sakina, on est à la khayr. Et chacun à sa place, chacun fait ce qu'il a besoin. Khassatan, l'étude de l'aqidah ou tawhid, c'est muhim. Al-An, ce qui fait la différence dans tout ce qu'il a cité Ibn al-Qayyim entre le kafir et le mu'min, les épreuves, c'est le tawhid ou l'aqidah. Parce que le kafir, il a des armes, toi, tu as des armes. Matalan, nahnu al-hut, il est armé, et Ahl-Sunnah, ils sont armés. Il sait tirer, Ahl-Sunnah, ils savent tirer. C'est quoi qui fait la différence? L'aqidah. On donne l'importance, grâce à ta vie de l'ayam, on augmente et on multiplie nos efforts fi ta'lim al-aqidah et fi at-tadabbur al-Qur'an. Hada. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع والحمد لله رب العالمين. دمى بإذن الله même endroit إن شاء الله نسأل de finir هذا الكلام. من عنده شيء avant qu'on finit, quelqu'un a quelque chose, il n'a pas compris ربما كلام يتفضل أو نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بل سولت لكم أنفسكم